Chapitre 2e. C'était le 12 mai 1843. Edmond avait dirigé sa promenade du côté des eaux minérales, car je l'ai dit, ce lieu donnait moins d'amertume à ses souvenirs. En présence de cette belle et grandiose nature, il se sentait plus résigné. Tout à coup, il est arraché à ses rêveries par les cris d'une femme. Il court du côté d'où partent ses cris, et il voit une femme luttant contre un circassien qui veut l'entraîner. Deux autres femmes se sauvaient en criant au secours. Edmond tire son pistolet et blesse le circassien, qui lâche sa proie, et cherche à fuir malgré sa blessure. Il s'approche alors pour secourir la pauvre femme que l'effroi rendait immobile, et il voit la plus belle et la plus charmante de toutes les créatures. Cette femme, qui lui doit la vie, plus que la vie, est belle à ravir l'âme et les yeux. Edmond la contemple sans oser lui parler, et elle jette sur lui un regard qui eût récompensé des milliers de sacrifices. Mais tant d'émotions avaient épuisé ses forces. Elle ferme les yeux et tombe évanouie aux pieds d'Edmond. Edmond court à la source, prend quelques gouttes d'eau fraîche et les jette sur son front. Elle ouvre enfin les yeux, et son premier regard est pour Edmond. Puis elle lui dit « Vous trouverez dans votre cœur la récompense de ce que vous avez fait pour moi. Que pourrais-je vous dire? Je prierai, et que le ciel m'exauce. » Edmond ne répondit point. Il y avait déjà pour eux un autre langage que celui des mots. L'événement que je viens de raconter parvint bientôt à Georgievsk et, aussitôt que le gouverneur l'apprit, il se rendit sur les lieux en toute hâte, car cette femme qu'Edmond avait miraculeusement sauvée, cette femme qu'il avait remerciée du regard, était Julie, la fille du gouverneur. « Ma fille, ma Julie !» dit le gouverneur en s'approchant, « viens dans mes bras !» Et Julie, tout émue, toute tremblante, vint se reposer sur le sein de son père. Dans son épanchement de tendresse, le père avait oublié le sauveur de sa fille, et tous deux partirent sans avoir adressé à Edmond un seul remerciement. Edmond passa une nuit agitée. Il ne cessait de penser à cette étrange aventure. À 25 ans, la chose qui tient le plus de place dans la vie, c'est l'amour. On va au-devant de toutes les affections. On s'enthousiasme pour ce qui est beau, pour ce qui est bon, parce que le monde, l'expérience maudite, n'ont point encore flétri ces impressions qui nous viennent par les sens et par l'âme. Qu'elles sont heureuses, les insomnies de la jeunesse. Edmond avait vécu des siècles, et le jour le trouva dans le délire des mêmes pensées. « Mon Dieu, se disait-il, n'est-ce pas folie d'aimer cette femme? M'aimera-t-elle? Saura-t-elle comprendre tout ce que j'ai d'amour à lui donner? Non, il faut l'oublier. Moi, pauvre exilé, qu'ai-je à offrir ?» Un coup frappé à sa porte l'arrêta au milieu de ses réflexions, et il vit entrer le valet de chambre du gouverneur, qui lui remit un billet de la part de son maître. Edmond lut avidement le billet qui contenait ce qui suit. « Monsieur, hier ma fille m'a occupé seule. Dans ce moment si cher et si douloureux, je ne pouvais penser qu'à elle. Vous me pardonnerez. Vous qui avez montré tant de bonté et de dévouement, vous me pardonnerez parce que vous devez comprendre tous les sentiments du cœur. Mais croyez que je n'ai pas oublié et que je n'oublierai jamais le sauveur de ma fille. Venez, monsieur, venez, pour que moi et ma Julie, nous vous exprimions notre reconnaissance. » F. de Tolly. Edmond ne fit point attendre sa visite, comme on le pense. Le gouverneur était seul dans le salon quand on l'annonça. Il vint à sa rencontre et lui serra la main avec une franche cordialité. « De ce jour, dit-il à Edmond, je vous regarde comme un ami. Jamais je ne vous rendrai ce que vous avez fait pour moi, mais ma famille sera la vôtre, mais une amitié vraie vous consolera des douleurs de l'exil. » Comme il achevait ces mots, Julie parut. « Bien, dit le gouverneur, viens parler à notre ami de ta reconnaissance. » Julie se mit à pleurer. Pauvre femme, elles sont éloquentes par leurs larmes, elles ne sont fortes que par les prières. Après ces premières émotions, le gouverneur présenta à Edmond ses deux fils. L'éducation de ses enfants l'inquiétait beaucoup dans un pays privé de toute ressource. Il en parla à Edmond et lui dit qu'il avait cherché vainement un instituteur capable de les élever. « Tenez, ajouta-t-il, vous devriez vous charger de leur éducation. Cela ferait que nous ne nous quitterions plus. » Edmond accepta l'offre du gouverneur et s'installa le jour même à l'hôtel. Edmond n'avait pas reculé devant cette sorte de dépendance, parce que l'idée de voir Julie chaque jour, de vivre près d'elle, le mettait au-dessus de toutes les considérations du monde. On est si grand, on est si fort, si courageux quand on aime. Quelque temps se passa sans qu'il parlât de son amour à Julie, et dans le moment où ils se dirent qu'ils s'aimaient, tout serment était superflu. Ils s'étaient compris, ils s'étaient révélés l'un à l'autre. Le gouverneur, qui avait vu naître et se développer l'amour d'Edmond et de Julie, en parla à Edmond avec une bonté toute paternelle. « Mon fils, lui dit-il, car il l'appelait toujours ainsi, je suis heureux de l'attachement que vous avez pour Julie. Je vous confie son sort, je vous la donne, je vous aurai choisi entre tous. Mais votre condition de prisonnier exige que votre mariage se fasse secrètement. À minuit, un prêtre vous bénira dans ma chapelle. » Edmond, ivre de bonheur, se jeta aux pieds du gouverneur pour le remercier. Puis il courut vers Julie pour lui conter sa joie et ses espérances. « Edmond, lui dit-elle, c'est trop de bonheur pour ce monde. Je serai à vous que j'aime, que j'honore, à vous que le ciel m'a donné dans ces moments de grâce et de munificence. Edmond, encore 2 jours, mon père me l'a dit, et nous serons unis. Devant Dieu, je serai votre épouse. » « Julie, Julie, quel sera le mot de mon âme? Que vous dirai-je à vous qui me comblez, à vous qui venez partager des douleurs, qui venez comme un ange envoyé de Dieu pour me consoler des malheurs de l'exil? Julie, je m'agenouille et je vous bénis comme la plus chère et la meilleure des femmes. Mon cœur n'est qu'amour, mon âme est tout à vous. Le rang que j'ai possédé, je le regrette pour vous. Cette fortune, qui est un bien puisqu'elle sert à faire des heureux, je la regrette pour vous. » Et Julie, sublime dans son amour, descend d'une position que le monde lui envie pour s'unir au pauvre exilé. Dites, est-ce assez d'une vie d'amour pour vous récompenser de vos sacrifices? Mais le hasard de la naissance m'avait rendu votre égal. Je vous dois aujourd'hui l'aveu de mon nom. Je suis le comte Ostrorog. Ces mots frappent Julie comme la foudre. Son visage devient pâle, ses lèvres se contractent, son regard prend l'immobilité de la mort. « Julie, mais Julie, au nom du ciel, qu'avez-vous ? » s'écria Edmond. « Par pitié, répondez-moi. Qu'ai-je fait ? De quoi suis-je coupable ? Mon ange, réponds-moi, je te le demande à genoux. » Julie tourne alors ses yeux vers Edmond. Elle prend sa main, qu'elle serre convulsivement, et lui dit, d'une voix presque inintelligible, « Edmond, Edmond, je t'aimais et tu m'as tué. » Edmond n'a plus la force de répondre, et lui aussi devient si pâle qu'on le prendrait pour une statue de marbre, si le frémissement de la fièvre pouvait agiter une statue, si le marbre avait le don des larmes. Julie, profitant de la stupeur où Edmond est plongé, court s'enfermer dans son appartement. « mon Dieu !» se dit Edmond. « Est-ce un rêve? Est-ce une réalité? Mais il faut que je la voie encore, il faut qu'elle m'explique cet effroyable mystère. » Il s'élance sur les traces de Julie. Il frappe à la porte de son appartement, il appelle, il crie, il implore, et le malheureux ne reçoit aucune réponse. À demi mort de douleur, il se traîne jusqu'à sa chambre et tombe sur son lit. Une sueur froide inonde son corps. Sa respiration est entrecoupée. Il ne sent plus, il ne voit plus. Toute la vie s'est retirée dans son âme. Des songes effrayants, des souvenirs douloureux l'assaillirent durant toute la nuit. Quand le jour parut, M. de Tolly entra dans sa chambre. Edmond ouvrit les yeux, tressaillit et s'écria « Rendez-moi Julie, elle est à moi !»« Jeune homme, répondit M. de Tolly, vous méritiez un meilleur sort. Mais il faut s'incliner devant les décrets de la Providence. Si Julie vous est chère, si son souvenir vous est sacré, respectez sa volonté. Prenez cet écrit, il renferme son dernier adieu. Du courage, mon fils, prenez pitié de mes cheveux blancs, prenez pitié de cette chère créature qui voulait vous donner toute sa vie. »